Audiomatique. Amorcer la transmission 5, 2, 1 d'Audiomatique. Les sonoristes ont choisi de vous présenter le projet italien The Last Hour, mené par Roberto Del Vecchio, de son album intitulé It Is The Hour Part 2, qui est en fait une collection d'anciennes chansons remasterisées et de nouvelles versions de pièces existantes. Nous écoutions la pièce Death in Venice. Et maintenant, c'est au tour du groupe finlandais Tenhi d'assurer la continuité audiomatique. Thank you. Nous avions droit à Audiomatic au trio anglais Esben and the Witch du mini-album Marching Song paru en 2010. Nous entendions la pièce Done Because We Are Too Many. Précédemment à Esben and the Witch, il s'agissait du trio américain Russian Circles de son troisième album studio intitulé Geneva et sorti en 2009. Nous vous avons fait jouer la pièce When the Mountain Comes to Muhammad. Et pour débuter ce segment musical, nous avions droit au groupe finlandais Tenhi de son cinquième album Saivo et lancé en 2011. Vous avez entendu la pièce Haxi. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec l'artiste danois Pider. To shine only for you. la tissu dans le lit. Il a mis la coca, coca, coca, coca. Ni mal, la laisse enfermer les coca, ni chien. Life of love. Life of life of love. C'était à Audiomatic la formation américaine Caravan Serai, menée par le compositeur Narayan Saijan, qui nous offrait la pièce Unshakable Serai Palace, extraite de son plus récent album Mystics, Masters, Madmen, Eastern Devotional Music Volume 1, sorti le 8 octobre 2024. Tout juste avant Caravan Serai, nous avions droit au projet allemand Wurmscott de son album Voûte Riche, qui est paru en 2016. Nous avions droit à la chanson Dot, Dot, Dot. Et pour amorcer ce bloc musical, nous vous présentions l'artiste danois Pider avec la chanson The Woman and the Stars and the Man and the Moon, extraite de son 6e et plus récent album solo, The Coldest Man in the World, sorti le 11 octobre 2024. En conclusion de cette transmission 5-2-1 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre le groupe américain A Place to Bury Strangers, avec la pièce Comfort Never Comes, qui se retrouve sur son 7e album Synthesizer, lancé le 4 octobre 2024. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatic. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomatic-cfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici A Place to Bury Strangers et la pièce Comfort Never Comes. C'était Audiomatic avec les sonoristes.